Exercice 8, page 164. A. Il est boulanger. Transformer. Elle est boulangère. B. Il est bijoutier. Transformer. Elle est bijoutière. C. Il est pâtissier. Transformer. Elle est pâtissière. D. Elle est chanteuse. Transformer. Il est chanteur. E. Elle est danseuse. Transformer. Il est danseur. F. Elle est coiffeuse. Transformer. Il est coiffeur.